sol pa di manye Mèm rete ma pasyonè Mèm vin gen chagrin Mèm vin moutounè Petim chiri Ak espo a fè pa mouri Na patan pou l'rekonsilye San reta pou nou magye Na patan pou l'rekonsilye San reta pou nou magye Bébé, que moi remè l'ivine parti sol pas dimanye De m'arrêté ma passionné là, me l'ingé chagrin Me l'vine retourné, me dîm chéri Par l'espoir à faire pas mourir N'a pas tant pour me réconcilier Sans retard pour nous maguiller N'a pas tant pour me réconcilier Sans retard pour nous maguiller Sa regle, ba soti pou bedize se kan menm an pou nou mari Tita, men nou fin mari Pou liye a se bel bagay Tita, nan soti l'eglise Pou liye a se bel bagay Tita, tout fami ou kontan Pou liye a se bel bagay Depuis tout temps, t'es v'lais maguer. C'est vraiment qui t'a.